Voici une petite aventure strictement véridique et autobiographique qui m'est arrivée le 4 mars 1993. Aventure qui peut vous arriver à vous aussi, dans un contexte certes différent, mais une chose est certaine. Si les cons dorment parfois, jamais ils ne meurent. L'autre jour comme tous les jours, je taillais ma vigne tranquille, pas un con en amont, pas de vandale en aval, le bonheur intégral. Mon chien se fait la malle, son footing matinal, sa virée génitale, la matine est normale quoi. La matine est normale. Pendant que je me démène sur une souche touffue, un connard se ramène, aussi lourd qu'un fût, et me dit: c'est à où le chien? Je lui dis: ouais, c'est le mien. Il me dit: c'est interdit car votre chien divague. Oh toi tu me fais des vagues, t'occupes pas de mon clébard, le QI de mon chien est plus élevé que le tien, je lui réponds furibard. Il me dit: je suis le garde-chasse. Je lui dis: t'es un fouille-mère, va donc tirer la chasse, tu pues la Gestapo, si c'est ça ton boulot, tu serais mis au chômage. Il me dit: vous m'insultez? Je lui dis: ouais, tu me fais chier avec les gens polis, mais vulgaire, je suis grossier. Y a ce côté faux cul du connard à l'affût que je peux pas supporter. Je dresse procès-verbal, dire au tribunal: moi, je veux bien, grâce à toi, j'ai fait cette chanson aussi fine et subtile que le bout du fusil du chasseur en treillis dont tu es le larbin et qui tire le lapin avec la nostalgie d'autochtones maghrébins. Jour comme tous les jours, je taillais ma vigne tranquille, pas un con en abond, pas de vandale en aval, le bonheur intégral. Mais v'là les majorettes, rangers tenues kaki, Mitty Jack habillé, qui se pointe en tirailleur, voilà le vaillant chasseur cap en l'air affamé. Pas le genre néandertal, bien que côté boîte crânienne, c'est pas plein comme Einstein. Et qui traque l'animal, pas pour lui faire du mal, simplement pour le tuer. Ça me triture la Bosnie, épuration raciale. Et quand il n'y aura plus de gibier, sur quoi qu'on va tirer, ma carrel? Sur quoi qu'on va tirer, ma carrel? Oh, bah je crois bien qu'on l'a trouvé, oui. Jour comme tous les jours, je taillais ma vigne tranquille, pas un con en amont, pas de vandale en aval, le bonheur intégral. L'autre jour comme tous les jours, je taillais ma vigne tranquille, pas un con en amont, pas de vandale en aval, le bonheur intégral. Le bonheur intégral.